Chapitre 4. Enfin, s'écria Claire, au moment où Camille entra dans son petit salon café au lait, après de longues, longues années, nous allons pouvoir causer librement. C'est que j'ai 1000 choses à te dire et au moins 2000 à te demander. Embrasse-moi donc. Est-ce qu'une poignée de main suffit entre vieilles amies comme nous ? Camille se laissa appliquer de baisers sur les joues et s'assit sur un petit fauteuil bas, capitonné, frangé, orné de glands, et aussi moelleux qu'un lit de plumes. « D'abord, reprit Claire sans perdre de temps, pourquoi as-tu cessé de m'écrire ?»« Je n'ai pas cessé, répondit lentement la jeune fille. C'est le hasard dit plutôt la paresse. Si tu avais répondu seulement un pauvre petit mot à notre lettre de faire-part. Mais non, pas seulement une carte de visite. C'est ça qui n'est pas poli. Enfin, on te pardonnera cela avec le reste. » Camille réprima un mouvement. Ce mot de pardon blessait ses oreilles. « Toujours orgueilleuse ?» demanda Claire en souriant. « Je retrouve ma grande Camille. Tu es une romaine, toi, ma chère, stoïque à la douleur et cuirassée d'orgueil contre les petits accidents de la vie. Tu as un beau caractère. »« J'ai beaucoup changé, » répondit Camille avec une nuance de hauteur. « Allons, tant mieux ou tant pis, » conclut Madame Bricard en éclatant de rire. « Voyons, ne prends pas tes grands airs puisqu'on t'aime tel quel. Ne sais-tu pas que je n'ai pas changé, moi ? Je suis toujours l'incorrigible rieuse que tu as connue. » « Toujours moqueuse, alors ?» demanda la jeune fille avec un sourire mince comme une feuille de papier pelure. « Toujours, c'est si amusant. Mais sans malice, tu sais, exactement comme autrefois. Et tes parents ? Monsieur et Madame Froger, sont-ils restés les mêmes ?»« Je suppose. » On ne s'aperçoit pas des changements que le temps amène lorsqu'on est auprès des gens. C'est juste. Il faut se quitter pour s'en rendre compte. Eh bien, sais-tu, je te trouve embellie et pas vieillie du tout. Toi non plus, répondit Camille en scrutant le visage de la jeune femme. Quel âge as-tu ? J'ai toujours 18 mois de moins que toi. Je dois avoir 24 ans par conséquent. Mais je suis bien vieillie. Je ne trouve pas. Dit involontairement Mademoiselle Froger en examinant les yeux clairs, le teint velouté et les dents de perles de son amie d'enfance. « Oh si, la maternité, vois-tu, c'est charmant, mais ça fatigue. Et puis, c'est moi qui ai nourri Félix, et je puis t'assurer que le métier de nourrice est un rude métier. » Camille baissa les yeux d'un air offusqué qui n'avait rien de forcé. « Toujours prude, » fit remarquer Madame Bricard. « Encore une étoile qui vient de tomber dans mon assiette, comme disait ce roi de Ferry. » « Moi, ce sont mes pantoufles que je mets dans ta gamelle. N'est-ce pas que je suis mauvais genre ? Allons, dis-le, tu en meurs d'envie. » Ici, d'ailleurs, une fois qu'on est entré, on dit et l'on fait tout ce que l'on veut. Et je donne l'exemple. Alors, il ne faut pas te parler d'enfant, ni de ménage, ni de maladie, ni... Ce n'est pas très commode, mais on tâchera de s'y conformer. Tu ne te maries pas, toi ? Non, répondit sèchement Camille. Je crois bien que je ne suis pas né pour le mariage. « C'est pourtant bien gentil. Avoir auprès de soi ou à l'autre bout de la ville une autre moitié de soi-même à qui l'on pense et qui pense à vous. Vivre pour lui plaire, inventer 1000 petites choses qui lui feront autant de surprises agréables quand il rentrera. Pouvoir lui dire tout, rire et pleurer sur son épaule. Quand on se réveille la nuit en sursaut, dans un rêve affreux, étendre la main et s'assurer que le protecteur, l'époux est là, tout près, qu'on peut le réveiller en allongeant le doigt, ce qui vous empêche d'avoir peur. Ah ! Pardon, j'ai mis une autre pantoufle dans ton second service. Je te fais mes excuses. Est-ce que tu ne pourrais pas t'y habituer ? Non. Alors c'est moi qui essaierai de ne plus recommencer. Du reste, comme dit bébé, bien sûr je ne l'ai pas fait exprès. Tu feras bien de ne pas te marier, Camille. C'est ton mari qui te scandaliserait. Tiens, voici le mien qui rentre. Dans ce flux de paroles entrecoupées de rires, la porte du salon s'ouvrit et Paul Bricard parut sur le seuil. Sa belle figure mâle se découpait sur le ton fin et délicat de la tapisserie comme un portrait des maîtres italiens sur les fonds clairs des portiques. Sa stature élégante tapait le pourpoint de velours noir, si bien qu'on ne s'apercevait pas qu'il portait une redingote. Le regard assuré, le front haut et intelligent, les traits fins et spirituels, avec une grande expression de bonté dans le sourire, Paul Bricard rentra chez lui comme un homme heureux qui aime son foyer et qui s'y sent aimé. Il déposa son chapeau sur le premier meuble, et tout en s'avançant vers les deux jeunes femmes, il les regarda alternativement l'une et l'autre de l'œil d'un artiste, mais aussi d'un penseur. Son regard se reposa un instant sur sa femme avec une douceur infinie, puis il tendit la main à Camille. « Embrasse-la, » dit Claire en poussant la jeune fille vers son mari. Elle tendit sa joue, que venait d'envahir une rougeur subite. Bricard y déposa un baiser cérémonieux et se pencha aussitôt sur la main de sa femme qu'il porta à ses lèvres. La rougeur descendit rapidement des joues de Camille, laissant seulement une tache sur les pommettes un peu saillantes. « Comment on se retrouve ?» dit Claire en se replongeant dans son fauteuil. « Il y a 6 ans, 7 ans, je ne sais plus combien de siècles que nous n'avons été ensemble tous les trois comme aujourd'hui. »« Que d'événements, n'est-ce pas ?» demanda Paul à la jeune fille avec un demi-sourire. « Ma vie n'a point eu d'événements, » répondit-elle avec vivacité. Sa froideur et son embarras avaient disparu. On eût dit une plante qui vient d'être arrosée après une chaude journée de soleil. « Mais la vôtre, êtes-vous content de votre sort ?»« Content de mon sort ? Oui, heureux de vivre ?»« Vous aimez beaucoup Claire, n'est-ce pas, mademoiselle ? Je puis vous assurer qu'elle a conservé pour vous une vive tendresse. Vous devez être satisfaite d'apprendre que nous sommes parfaitement heureux. » Claire hocha 2 ou 3 fois la tête en signe d'approbation et se pelotonna dans son fauteuil avec un geste d'enfant heureux. « Notre mariage a dû vous surprendre ?» continua Bricard, s'adressant toujours à Camille, qui l'écoutait, les yeux fixés sur lui. « Il a surpris, je crois, tout le monde. Et cependant, avec un peu d'attention, on eût pu découvrir notre secret. Par bonheur, personne n'y songeait. »« Votre secret ?» demanda Camille, qui sentit un froid mortel l'envahir par degrés. « Oui, la mère de ma femme était seule à le connaître avec nous deux. Monsieur Loger voulait un gendre établi. Je n'étais point ce qu'on appelle établi. J'attendais ma nomination pour faire ma demande, mais quand je l'ai faite, il y avait 1 an que nous étions fiancés. » « 1 an ? » répéta Camille. « 1 an, et tu n'as rien dit ? » ajouta-t-elle en se tournant péniblement vers Claire. « Je ne le pouvais pas, » répondit joyeusement celle-ci. « Nous avions juré le secret, maman, Paul et moi, comme les 3 Suisses dans Guillaume Tell. Ah, le bon temps !» ajouta la jeune femme en tendant la main à son mari. « À présent vaut mieux, » répondit-il en lui souriant. « Ah ! » fit lentement Camille, « vous étiez fiancée. » Bébé, suivi de sa bonne, vint annoncer que madame était servie. Bricard enleva son fils dans ses bras et se dirigea vers la salle à manger. Camille, en déployant sa serviette, ne put s'empêcher d'en admirer la finesse et la blancheur. Le joli service de table, en faïence toute simple, mais parfaitement de couleur et de dessin, le cristal uni d'une forme élégante sans apparat, l'ameublement gai plutôt que somptueux, mais fini et harmonieux dans tous ses détails, tout cela ne ressemblait ni au mobilier 1840 de M. et Mme Froger, ni au luxe bourgeois des maisons où l'appelaient ses occupations journalières. Elle n'avait jamais vu d'intérieur semblable. Au lieu d'une lampe, une corbeille de fleurs entourée de bougies descendait du plafond dans une coupe de cristal. Des supports en bois découpés portaient le long des murailles d'autres vases également pleins de fleurs. Le buffet n'offrait point d'argenterie cossue ni de service au grand complet. Quelques assiettes de Sèvres dépareillées, quelques tasses de Chine, de curieuses pièces d'orfèvrerie anciennes noircies par le temps et l'usage, remplissaient ce meuble d'une façon amusante pour l'œil. Rien de tout cela n'était classique, et cependant, ce n'était pas ce qu'on est convenu d'appeler le mobilier artistique. Passion du plus grand nombre, et horreur d'une élite choisie. Camille sentait plus qu'elle ne voyait toutes ces choses extraordinaires. La découverte qu'elle faisait au moment où ils avaient quitté le salon plongeait tout le reste dans une demi-obscurité. Elle ne se rendait plus compte de rien. La pensée que cet homme et cette femme, heureux l'un par l'autre, l'avaient trompée en lui cachant leur amour, lui était entrée comme un clou dans le cerveau et lui causait une douleur intolérable. Cependant, avec le stoïcisme dont elle était si fière, elle tenta d'étouffer sa souffrance et s'efforça de regarder autour d'elle. On lui servait un dîner excellent, des petits plats fins, de ceux que savent commander les jeunes femmes dont le mari est un peu friand et qui tiennent à retenir ce gourmet au logis. Mais ses chatteries étaient perdues pour la jeune fille. Elle effleurait à peine ce qu'on lui servait et à coup sûr n'eût pu dire si elle avait mangé des truffes ou des haricots. « Tu n'as pas d'appétit ?» lui demanda Claire avec intérêt. « Es-tu souffrante ?» Camille se redressa comme cinglée par un coup de fouet. « J'admire, » dit-elle, de sa voix limpide et cassante comme une cloche de métal, « que vous puissiez manger tant de choses. Je me contente à moins de frais, un peu de pain, quelques légumes, un verre d'eau. Voilà de quoi me suffire. » Il y avait une sorte de défi dans sa voix et dans le regard qu'elle promena avec dédain sur le dessert, placé au milieu de la table, sous la coupe de cristal dont les plantes retombantes effleuraient les assiettes de fruits. Paul Brécard la regarda avec attention, et une ombre passa dans ses yeux clairs et hardis. « Je vous plains, » dit-il d'une voix grave qu'il n'employait jamais avec sa femme et son enfant. « Vous perdez une foule de petites jouissances fort innocentes et très agréables. »« Agréable, je n'en doute pas, » répliqua Camille avec un petit rire sardonique. « Innocente, c'est autre chose. »« Que peut-il y avoir de coupable, » reprit Claire, « à manger un bon poulet au lieu d'un vieux coq coriace ?»« Ce n'est pas, » répondit Camille avec un peu de dédain, « dans la différence d'un jeune poulet à un vieux coq que se trouve la faute. C'est dans le plaisir qu'on trouve à sacrifier la chair, à satisfaire ses instincts matériels. » « Mais, » interrompit Claire, « satisfaire à mon instinct matériel qui me fait aimer les petits pois ou les glaces à la fraise ne m'empêche pas du tout d'être une bonne fille, une bonne épouse, une bonne mère, d'avoir en un mot toutes les vertus d'une épitaphe bien conditionnée. Bébé, veux-tu encore des petits pois, de ces cruels petits pois, qui seront la perdition de nos âmes ?» Bébé assistait gravement au repas, perché sur sa chaise haute, et depuis un moment faisait subrepticement la trempette dans son verre d'eau rougie, avec un bouchon et une croûte tour à tour. À l'appel de sa mère, il leva la tête, aperçut la cuillère pleine de petits pois qui s'avançaient vers lui, prit son assiette à deux mains comme un homme, la présenta à sa mère, et après avoir été servi, plongea son museau tout entier dans l'assiette dont le contenu s'égoutta immédiatement sur lui. « C'est pour cela qu'on a des enfants, » fit observer philosophiquement Paul Brécard, pendant que sa femme essuyait le visage et les mains du jeune coupable. Celui-ci n'avait qu'une idée. Aussitôt qu'il se fut débarrassé de la serviette de sa mère, il reprit son assiette et la tendit vers le légumier en disant « Encore !»« Peu de contrition, » fit observer le père en souriant. « Et encore, s'il y en a, si peu que ce soit, c'est de la contrition imparfaite. Il y en a de deux sortes, je crois. » Camille ne répondit pas à cette innocente taquinerie. Autrefois, Paul Brécard passait de longues heures à l'interpeller sur ses idées étroitement mystiques. C'est avec ce même son de voix, avec les mêmes inflexions légèrement railleuses qui lui posaient de redoutables cas de conscience tels que celui-ci. A-t-on le droit de tuer pour manger un lapin qui vient de manger l'herbe d'autrui? N'est-ce pas un crime que de faire passer de vie à trépas un être dont l'âme est ainsi chargée d'un péché mortel? En un instant, la jeune fille se rappela leur causerie, le cas qu'ils paraissaient faire d'elle, la manière dont on les avait parfois regardés tous les deux. « Je n'étais qu'un paravent, » se dit-elle. « Il me faisait la cour pour masquer son accord secret avec elle. Quel jeu méprisable! Et moi, pauvre folle, qui croyais !» Sa colère, immense, furieuse, tomba soudain à la voix de Paul qui parlait à son fils avec une tendresse indicible. Bébé s'était fait gronder. La trempette du bouchon devait bien y être pour quelque chose. Et le petit cœur, tout gros, il promettait à papa de ne plus recommencer jamais, jamais. « Bien sûr, » disait le père d'un air grave, pendant que la tendresse et l'orgueil débordaient de ses yeux et de sa voix. « Ah, s'il m'avait jamais parlé ainsi, » se dit Camille, « malheureuse que je suis, je l'adore. » « Alors, » reprit Claire, « quand la paix fut faite avec bébé, tu crois, Camille, que pour être bon, il faut se rendre malheureux volontairement ?» À cette question directe, Camille hésita un instant. « Ceux qui savent s'imposer des privations, » répondit-elle lentement, « sont meilleurs que ceux qui vivent uniquement d'une vie matérielle. »« Meilleurs, mademoiselle Camille, ou seulement supérieurs ?» Paul avait fait cette question d'un ton négligent, comme s'il n'y attachait aucune importance. La jeune fille s'y laissa prendre. « Supérieurs, certainement. Meilleurs, pourquoi non ?»« Et la modestie, Camille, qu'en faisons-nous ? » s'écria Claire en riant. « Je t'ai dit que tu t'es une orgueilleuse. Voilà que tu nous es supérieure parce que tu n'aimes pas le poulet. Et probablement, par-dessus le marché, tu es meilleure que tous ceux qui mangent des petits pois, meilleure que mon gros bébé. Pour cela, par exemple, je le nie. Il n'y a rien au monde de meilleur que ce profond scélérat. » Elle appliqua un baiser sur la joue rebondie du scélérat, qui regarda Camille dans le blanc des yeux d'un air de triomphe, brandit sa fourchette vers elle et lui fit d'un ton indigné. « Ouh !» Les deux époux éclatèrent de rire. Camille sourit et garda le silence. Elle trouvait tout cela parfaitement ridicule. « Est-il possible, » pensait-elle, « de s'abêtir ainsi ?» Les jeunes mères ont le droit d'être aussi sottes qu'il leur plaira, mais elles devraient garder leur épanchement pour l'intimité. l'infortuné ne voyait pas qu'en l'admettant à cette intimité, Claire lui donnait la meilleure preuve d'amitié et de confiance. Mais elle ignorait tout du sentiment maternel. Elle ne pouvait comprendre qu'il rendît l'âme si généreuse et si facile à l'épanchement. Elle ne savait pas et ne pouvait jamais savoir qu'une mère est mère partout et pour tous, que tous les enfants sont regardés par elle avec d'autres yeux qu'avant, qu'elle aura désormais des craintes pour les enfants d'autrui qu'elle n'avait jamais soupçonnées, que la maternité la rendra indulgente même pour les erreurs des hommes, parce qu'elle se dira que son enfant à elle, mal dirigé, sera peut-être dans l'avenir aussi sot et aussi cruel. Il y a des femmes qui sont nées mères, d'autres qui le deviennent, d'autres, hélas, qui ne le seront jamais, dussent-elles avoir 10 enfants. Camille était de ces dernières. Le dîner fini, les convives retournèrent au salon café au lait, dont les fenêtres ouvertes laissaient entrer la bonne odeur des feuilles, la fraîcheur de la fontaine du Châtelet, la lumière du soir adoucie et tamisée par les bruits joyeux de la place, sonnettes du marchand de coco, offres de billets à bon marché pour les 2 théâtres, rumeurs des queues qui se pressaient à la porte des spectacles, foule bruyante et satisfaite du dimanche. Paul s'accouda à une fenêtre pour y fumer son cigare, et les 2 femmes s'assirent dans l'autre embrasure sur des sièges bas et commodes. Claire, pour leur faire place, fit rouler à l'intérieur une jardinière pleine de fleurs, écarta un fauteuil et repoussa les plis épais des rideaux brochés. Que de meubles, mon Dieu, et que d'embarras! Ne put s'empêcher de dire Camille quand son amie eut fait place nette pour s'asseoir. Oui, mais c'est si joli, répondit la jeune femme. Je ne connais pas de plus grand plaisir que d'habiter un appartement bien meublé, bien organisé, où tout nous vient sous la main de soi-même, où l'on trouve tout ce qui peut être utile ou seulement faire plaisir. Que d'ennui et d'embarras! Mais non! Et quand on déménage? Ah! Reprit Claire en souriant. Je ne sais point prévoir les malheurs de si loin. Laisse-moi espérer que je ne déménagerai pas. Nous avons choisi cet appartement sur 100 000. Il est un peu trop cher et un peu trop grand pour nous, mais pour le prix, nous avons réalisé d'autres économies et pour l'espace, on ne sait pas ce qui peut arriver s'il nous venait d'autres enfants. Ah, tu sais, je n'ai fait aucun vœu, moi. Si, cependant, j'ai fait le vœu d'aimer mon mari. Et ce n'est pas cela qui pourra jamais empêcher l'appartement de devenir trop petit. Ma pauvre Camille, je te scandalise. On doit être plus réservé dans ses propos en présence des jeunes filles, n'est-ce pas? Mais après tout, il me semble que je ne dis pas d'énormités. Des énormités, non. Mais il n'est pas nécessaire de me parler des choses qui ne me regardent pas. Voyons, Camille, ne sois donc pas bête comme cela. Y a-t-il rien de plus naturel au monde que la famille? Y a-t-il rien de plus sacré? Je t'assure que moi, je ne suis pas si prompte à rougir. Quand je vois passer une femme avec un homme qui porte l'enfant dans ses bras, je me dis « Voilà d'heureuses gens. Elle a un bon mari, le petit est bien soigné. Puisse-t-il avoir d'autres enfants qui seront bien élevés et qui deviendront beaux et bons? Est-ce que cela n'est pas tout simple? Nous avons des petits-enfants, Camille. Nous avons eu des frères et des sœurs. Pourquoi mon fils n'en aurait-il pas aussi? Il le mérite bien, je t'assure. » Paul quitta sa fenêtre et se rapprocha des jeunes femmes. Le petit garçon vint s'appuyer sur son genou et s'efforça d'y grimper. « Que veux-tu ? » demanda le père. « Adada ! » répondit aussitôt le petit. « C'est l'heure de la cavalcade, mesdames, » annonça le jeune homme. « Vous allez voir comment on monte à cheval chez nous. » Félix commença sur le genou de son père tous les exercices de haute école auxquels sa jeune échine pouvait se plier. Au bout d'un moment, il joignit ceux du trapèze à l'aide des bras et des épaules de son père. La nuit était venue, mais le cordon de gaz des théâtres éclairait si bien l'appartement qu'une lampe n'eût pas servi à grand-chose. La belle figure de Brécard et sa stature élégante se dessinaient admirablement sur le fond obscur. Il riait de tout son cœur avec son fils qui répondait à ses plaisanteries et qui le provoquait à tout moment. Debout, assis à 4 pattes, ils firent leur partie de jeu de tous les soirs. Quand ils furent là, tous les 2, l'enfant vint se blottir sur les genoux de sa mère et Paul se rapprocha de la fenêtre. Ses vêtements en désordre, sa chevelure ébouriffée lui donnaient une apparence moins sérieuse et plus jeune. Camille le revit tel qu'elle l'avait connu, et le cœur lui battit avec une sorte d'effroi. Il parlait bien et de tout. Sa conversation, solide avec ses pareils, savait se prêter aux facultés de ses interlocuteurs. Il sut amuser et intéresser Camille pendant 1 heure. Suspendue à ses lèvres, elle ne savait pas ce qu'il lui disait. La musique de sa voix, la grâce de son discours suffisait à la charmer. Puis un silence se fit soudain. « Dort-il ? » demanda le jeune père, entrant ainsi dans sa vie de famille. comme un plomb, répondit sa femme. Fais-moi de la place pour que je l'emporte. Il est trop lourd, insista Paul. Donne-le-moi, je vais le coucher. Il cueillit l'enfant dans ses bras et l'emporta délicatement dans une autre pièce. Comme il ne revenait pas au bout de quelques minutes, Camille fit un violent effort. Il faut que je m'en aille, dit-elle. Déjà, il n'est pas 10 heures. On se couche de bonne heure chez nous, répondit Camille. Je m'en vais. Pas toute seule, un dimanche soir. Il y a tant de monde dans les rues, et de toutes les espèces. J'ai l'habitude de sortir seule. Je n'ai pas peur. Adieu. Elle tendait la main à son amie, mais Claire insista. Mon mari va te reconduire. Attends qu'il ait couché bébé, ce ne sera pas long. Camille se rassit. L'idée de voir encore Bricard la laissait sans défense. Au bout d'un moment, il rentra. Sa femme lui annonça qu'elle avait disposé de lui, et aussitôt il prit son chapeau pour sortir. « Au revoir, » dit Claire en embrassant la jeune fille. « Viens quand tu voudras, à l'heure du dîner. Nous ne sortons jamais, moi du moins. Mon mari dîne quelquefois en ville, mais le moins qu'il peut. » Comme elle leur ouvrait la porte de l'escalier, Paul se pencha sur sa femme et l'embrassa au front. « À tout à l'heure, » lui dit-il, et il sortit suivant Camille. « Vous vous dites adieu pour une si courte séparation ?» lui demanda celle-ci au moment où il mettait le pied dans la rue. « Quand ce ne serait que pour aller à la cave, » répondit le jeune homme. « On ne sait qui vit ni qui meurt, et ce serait si dur de ne pas s'être embrassé si l'on ne devait pas se revoir. Voulez-vous prendre mon bras, mademoiselle ?» Camille passa silencieusement son bras dans celui de Paul, et ils s'en allèrent ainsi le long du quai.